Le prof de français. Il est comment, le prof de français? Il est formidable. Regarde la photo. Il est jeune? Oui, il est jeune et il est très sympa. Il est célibataire? Non, il est marié.